ça va plus vite que vous croyez, on est planté. Et tout à coup, la terre est vide, le monde inhabité. Et ceux qui disent, c'est pour les autres, je suis à l'abri, se ramasse ou bien se vautre, et puis c'est fini. Ça va plus loin qu'on s'imagine, on est planté. Soudain la terre est une ruine, une horloge arrêtée. Et ceux qui disent, attends demain, tu seras guéri, se prennent un sacré gadin. Et puis c'est fini. Nos amours partent en vrille comme des oiseaux blessés. Un cadenas sur la grille, on est enfermé. On est enfermé. La cigarette après minuit, l'avant-dernière du condamné. Être soi-même son ennemi, ça va plus vite que vous croyez. On ne sait jamais, ni quand ni où, ça va tomber. Les amis, il n'y en a plus du tout, ils se sont barrés. Quant à sa femme, n'en parlons pas, c'est souvent la première qui s'en va, ça va plus vite. Que vous croyez, on est planté. Et tout à coup, la terre est vide, personne à qui parler. Et ceux qui disent, c'est pour les autres, je suis à l'abri, se ramasse ou bien se vautre, et puis c'est fini.